Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 80e émission, nous avons le plaisir d'accueillir l'un des dessinateurs de la semaine, et non des moindres, Bluche. Bonjour à vous. Bonsoir. Bluche, vous avez sorti dernièrement un recueil de dessins chez les éditions Contre Culture, dessins d'actualité 2006-2016, 10 ans de témoignages sur la France et le monde à travers vos dessins. Nous allons en parler tout de suite. Bluche, vous n'êtes pas venu tout seul, Mister Maillot vous accompagne. Mister Maillot, bonjour à vous. Salut les parigots, salut les campagnards. Mister Maillot, vous n'êtes pas à proprement parler un dessinateur, mais plutôt une sorte de souffleur. Vous donnez des idées aux dessinateurs de la semaine et vous êtes bien sûr toujours imitateur. Chers auditeurs, comme vous vous en doutez, je me trouve aux côtés de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Bluche, pour commencer, nous vous avions reçu lors de l'émission numéro 39, on s'en souvient, vous nous aviez parlé de votre parcours, à l'époque déjà vous dessiniez dans la rubrique « Les dessins de la semaine ». Aujourd'hui vous sortez ce bel ouvrage aux éditions Contre Culture, qu'est-ce qui vous a amené à le faire ? Oh, c'est tout un parcours. En fait, on en avait parlé avec Zéon depuis pas mal de temps. C'était l'idée en dehors de l'Almanach, donc un ouvrage collectif qui regroupe tous les dessins sur une année, donc de tous les dessinateurs qui ont participé à la planche de la semaine. C'était en fait de faire un album par dessinateur. Donc il y a eu déjà Azim avec l'album Slurp, qui n'était pas vraiment à proprement parler un recueil de dessins d'actualité. C'était des dessins de manière générale et c'était un très bon recueil, un très bel album. Et là, l'idée, c'était un petit peu de concrétiser et poursuivre la démarche de l'Almanach en faisant vraiment un recueil des dessinateurs de la semaine. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous travaillez ? En fait, en tant que dessinateur de presse, pour chercher l'inspiration, c'est pas très difficile. Il faut simplement déjà suivre la presse. Donc moi, ça fait depuis plus de 15 ans que je fais une revue de presse quasi quotidienne. Donc que ce soit la revue de presse internet, mais également presse papier, parce qu'il y a des petites différences qui peuvent être intéressantes. Et ensuite, presse spécialisée. Et tout ça, ça nourrit l'inspiration. Donc il y a bien sûr l'actualité à chaud. En ce moment, c'est des périodes d'élections, donc là, on n'a pas allé chercher très loin. Mais pour trouver vraiment l'inspiration, l'angle d'attaque, le côté un petit peu éditorialiste, ça nécessite énormément de suivre l'actualité et de réfléchir sur l'actualité pour proposer justement une critique un petit peu différente, un petit peu décalée. Alors Bluche, racontez-nous, ça fait combien de temps que vous dessinez exactement ? Alors, en tant que tel, depuis toujours, je serais tenté de dire, mais plus sérieusement, je me suis remis au dessin depuis les années 2000 et le dessin de presse depuis 2005-2006, justement. C'est pour ça que le recueil prend des dessins qui dataient déjà de 2006, parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au dessin de presse. C'est ça, on rappellera à nos auditeurs que vous tenez un blog, bluche-dessinateur.blogspot.fr, où vous diffusez l'ensemble de vos dessins. Alors, pas exactement. En fait, le blog, au départ, n'était pas un blog de dessins d'actualité. C'était un blog BD, j'irais, assez classique, où je mettais en ligne des petites chroniques, des dessins un petit peu sur la société, des dessins un petit peu personnels qui partaient un petit peu dans les délires. Sachant que moi, je viens de la scène indépendante rock, de la scène punk, donc ça faisait pas mal référent, justement, à la musique, et toujours, d'ailleurs, un petit peu. Et quand je me suis un peu spécialisé dans le dessin de presse, j'ai préféré sélectionner, c'est-à-dire mettre quelques dessins de presse sur le blog et les réserver ensuite, essentiellement pour Égalité et Réconciliation ou d'autres sites pour lesquels j'ai travaillé. Et justement, sur cette scène rock, quels ont été vos modèles, vos sources d'inspiration ? Sur le plan musical ? Voilà. Alors, sur le plan musical, c'est très large. Moi, je viens à la base du punk parce que c'est que j'étais tombé quand j'étais adolescent. Maintenant, je m'intéresse à tout un tas de musique. Je vais toujours énormément dans les concerts. Je peux très bien aller autant à l'opéra qu'aller voir des bons vieux concerts punk ou du métal ou aller au Hellfest. Donc, en fait, c'est la musique en général qui m'inspire. Et pour ce qui est du rock en particulier, je peux dire que je suis né un petit peu avec les Sex Pistols ou des groupes comme ça. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'art musical, l'art de la musique et l'art du dessin ? Pour moi, le lien se fait automatiquement. J'arrive pas à distinguer réellement les différentes formes d'art. Quand on est un artiste, je pense qu'on est un artiste global. Ça passe par le texte, par la musique, par le dessin. D'autres personnes, ça va être par la danse ou la sculpture, par exemple. Mais la musique et le dessin ont toujours relativement bien fonctionné. Et d'ailleurs, pour parler de la scène punk, puisque c'est celle que je connais, dès le départ, il y a eu des fanzines qui se sont créées pour soutenir les groupes. Et ces fanzines étaient, dès le départ, très illustrées par énormément de BD. Et on a des BD qui sont entre guillemets typiquement punk, je pense notamment à la BD Rank Xerox qui était sortie dans les années 80, ou même la revue Metal Hurlant qui n'était pas punk à proprement parler, mais qui était très influencée par la scène metal, hard rock, et les deux fonctionnent très très bien. Alors vous parliez tout à l'heure justement du fait que l'actualité était une source d'inspiration très facile en ce moment pour vous, puisque on a eu l'élection de Macron dernièrement. Alors justement, comment vous avez interprété cette élection et comment ça s'est traduit dans vos dessins? Alors l'élection en tant que telle, faut pas se mentir, ça nous a quand même surpris. C'est que c'était tellement énorme, l'escroquerie était tellement énorme qu'il a fallu vraiment le premier tour pour s'apercevoir que ça avait marché. Personnellement, j'y croyais pas, et puis à un moment, on est bien obligé de faire face à la réalité. En même temps, c'est plein d'instructions. Ça veut dire que plus le mensonge est gros et ça passe, ça on le connaissait, mais quand vous le voyez réalisé devant vous, vous êtes bien obligé d'en tenir compte. En même temps, je me permets de rappeler que dès 2014, vous avez réalisé un dessin qui est passé dans les dessins de la semaine, où on voyait Macron écrasant le code du travail, et c'était écrit en sous-titre, enfin Macron avec une tête de vampire, et en sous-titre c'était le putsch des banksters, dès 2014. Tout à fait. Alors que Macron était plus ou moins inconnu à cette époque. Ça fait partie des personnages justement que j'ai eu la chance de caricaturer très très tôt, donc je sais que Macron, je suis un des premiers, je crois que le tout premier c'était Plantu à peu près à la même époque, et moi j'ai enchaîné tout de suite. En fait, c'était effectivement un personnage qui était complètement inconnu à l'époque, mais j'avais été attiré par ses déclarations en tant que ministre de l'économie, si j'ai pas de bêtises, où il avait annoncé dès le départ, dès cette époque-là, qu'il voulait légiférer par ordonnance, et notamment pour s'attaquer au code du travail. Après, on s'est aperçu effectivement que celle qui a fait le sale boulot, c'était la pauvre El Khomri, qui à mon avis n'a pas du tout rédigé une ligne de la loi qui porte son nom, mais l'idée était déjà là. Et là, actuellement, Macron a de nouveau annoncé, pendant la campagne électorale, qu'il prévoyait de légiférer par ordonnance toujours sur ces mêmes sujets. Donc en gros, il avait annoncé la couleur, et dès le départ, ça m'avait semblé tellement énorme que je ne savais pas qu'il allait devenir président de la République, évidemment, et j'aurais pas misé un copec à l'époque. Mais ça révélait des intentions réelles pour savoir où est-ce que l'oligarchie voulait nous emmener. Et alors dernièrement, cette élection de Macron qui a donné lieu à plusieurs dessins de votre part, et notamment concernant Brigitte Macron. Ah oui, on est bien obligé. C'est une source inépuisable, intarissable. Ils l'ont un petit peu cherché, hein. Non, sans vouloir tirer sur les ambulances, c'est tellement énorme que... à la limite, ils se mettraient pas... Les corbillards, tu veux dire. Oui, pour le coup, oui. Mais ils se mettraient pas en scène, je pense que j'aurais pas réagi de cette façon-là. Mais Brigitte Macron fait partie du storytelling de son mari, donc c'est une actrice politique, ça nous a imposé comme telle, puisque l'image fait partie de la propagande, et on est bien obligé de l'attaquer là-dessus. Alors, tu parles de storytelling, est-ce que tu ne crois pas que ce storytelling peut être évolutif? C'est-à-dire que, par exemple, Brigitte peut divorcer, Emmanuel Macron se remarier avec un homme de couleur, un footballeur, ou ce genre de choses. Est-ce que tu crois qu'on peut aller jusque-là? Je serais tenté de dire qu'après l'élection de Macron, il n'y a plus rien qui peut me surprendre. Le changement de sexe Ah oui, non, mais là, il n'y a plus de limite, là, c'est open bar, allons-y gaiement, il n'y a pas de... Si, ils peuvent toujours nous surprendre, malheureusement, mais maintenant, je pense qu'on peut se dire, c'est parti. Est-ce que tu n'as pas peur que l'actualité finisse par te devancer? Ces derniers temps, surtout avec le quinquennat de Hollande, c'était exactement ça qui se passait. C'est qu'on avait beau des fois essayer de trouver avec nos amis dessinateurs des idées, en fait on était dépassé par la réalité. Ouais, j'ai une petite question à te poser justement à ce sujet-là. Mon cher Bluge, c'est comment toi en tant que dessinateur, t'es pas le seul mais ça s'applique aussi aux autres, comment tu peux réussir à caricaturer quelque chose qui est déjà caricatural ? C'est un peu le défi, ça fait partie du truc, c'est que la réalité telle qu'on la montre est tellement grotesque que effectivement, il vaut mieux éviter de tomber dans la facilité de la montrer telle qu'elle est et d'essayer de rebondir, d'essayer d'aller un petit peu au-delà. Parce qu'en fait, le but aussi du dessin de presse, il y en a plusieurs, il y a l'idée c'est déjà de rire et de se détendre, ça c'est une chose, mais faire rire c'est très très difficile. Mais il y a surtout Une intention, c'est d'essayer de faire réagir le lecteur, d'essayer de l'amener sur des pistes, justement par un dessin, pas uniquement par un article, et d'essayer de l'amener à quelques réflexions. Alors parfois, ça peut être très provocateur, ça peut créer des réactions très passionnées, mais ne pas se contenter de décrire la réalité, même si des fois, on est un petit peu tenté de se laisser aller à la facilité, surtout sous Hollande. Puis il faut que le dessin soit un peu intemporel, c'est-à-dire qu'il marque, qu'il fixe l'événement d'actualité que tu croques en quelque sorte pour l'histoire. Alors ça, c'est la difficulté. En fait, en dessin de presse, il y a deux types de dessin de presse. Il y a le dessin qui va être vraiment très très lié à l'actualité et qui, celui-là, peut vieillir très très vite. Mais on est obligé d'y passer parce que quand on est dessinateur de presse, on est bien obligé de réagir avec ce qui se passe. Mais effectivement, le meilleur dessin de presse, c'est quand on arrive à partir d'une actualité à faire un dessin de presse justement intemporel qui pourra être vu plusieurs années plus tard et qui sera à la fois un témoignage de l'époque à laquelle où il a été fait, mais qui pourrait être compris par les générations futures. Ça, c'est très ambitieux, mais faut avoir un peu d'ambition. Hein. Et alors, Blue, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des dessins que tu t'interdis de publier? Ah oui, bien sûr, ça c'est évident. Il y a des dessins qu'on ne peut pas publier déjà à cause de la loi. On ne peut pas publier certains dessins parce qu'on est aussi dans le viseur, il ne faut pas se leurrer. Le site ER et la planche de la semaine est scrutée par des âmes bien intentionnées. Aziza? Entre autres, mais on sait qu'il y a plusieurs dessins qui ont déjà fait l'objet de poursuites, dont certains qui ont été condamnés. Donc on sait que la censure existe, hein, de fait. Et après, sur un plan plus personnel, il y a des dessins, par exemple, que j'ai fait à une époque que je ne referai plus parce que peut-être qu'ils étaient entre guillemets un peu trop Charlie et que des dessins, bon, quand on est un petit peu jeune, on passe toujours un petit peu par là, des dessins un petit peu sexe, un petit peu scato. Maintenant, effectivement, une fois qu'on en a fait quelques-uns, on a envie de faire des choses un petit peu plus intelligentes qui peuvent être très provocatrices, qui peuvent aller très loin, mais pas tomber dans cette facilité Charlie. Et alors, donc ça c'était sur le fond, mais sur la forme, est-ce que ton style a évolué ? Style évolue forcément parce que quand on travaille beaucoup en tant qu'artiste, hein, et c'est la même chose pour la musique que pour le dessin, la pratique fait que votre style évolue. Alors, en théorie, en mieux, mais après ça c'est aux autres de le dire, mais on gagne normalement en efficacité, et effectivement il y a certains dessins par lesquels on a commencé, on n'a plus envie de les refaire, on a envie d'aller plus loin, de dessiner les gens un petit peu autrement et puis de s'attaquer aussi à d'autres thématiques, par exemple dessiner des paysages ou des choses comme ça. D'accord, là, explique-nous, comment tu décrirais toi ton dessin ? C'est très proche de l'école franco-belge parce que c'est vraiment de là que je viens, donc ça se ressent énormément. Franco-belge, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est une école qui... Alors ce qu'on appelle l'école franco-belge, pour résumer vraiment pour ceux qui ne connaissent pas, ça serait la grande époque qui a commencé dans les années 60-70, c'est Franquin, Hergé avec Tintin. En gros, c'est toute l'école Spirou, ce qu'on appelle les dessins avec les personnages avec les gros nez. Et toute cette école-là a commencé, c'était vraiment des dessins pour les enfants. Et ça a pas mal évolué. Ce qui ressemble pas à du manga ou à du Marvel. Exactement. L'école manga, les gens connaissent, c'est l'école japonaise. Et ce qu'on appelle l'école Marvel, c'est les comics. En fait, d'ailleurs, c'est les comics qui a été inventé par les Français, cette école-là, et qui a été repompée derrière par les Américains. Ça, c'est toute l'histoire de l'art, ça évolue. Cela dit, l'école franco-belge a été également influencée, beaucoup de gens l'ignorent, par les Mexicains. Et ça, c'est Léon de Grelle qui nous l'a appris, puisque Léon de Grelle était très proche d'Hergé. Et quand Léon de Grelle était allé en reportage au Mexique, notamment pour suivre ce qui se passait avec les massacres des Cristeros, il était revenu à Bruxelles, il avait montré comment les Mexicains faisaient de la BD, et c'était le principe de faire des cases avec des bulles, ce que les Français et les Belges... À l'époque, les textes écrivaient en dessous. À l'époque, les textes étaient écrits en dessous. Et quand Hergé a vu ça, ça l'a énormément influencé, et c'est de là qu'il est parti sur les premiers Tintins. Donc c'est, l'histoire de l'art, c'est toujours une espèce de mélange et de ping-pong. Alors, chers auditeurs, on a avec nous également Mister Maillot, qui parfois, je le sais, aide les dessinateurs de la semaine à trouver l'inspiration et à dessiner d'ailleurs des choses que toi-même tu imagines. Alors raconte-nous un peu cette interaction que tu as avec les dessinateurs de la semaine. Alors notamment, puisque Bluge est là, je vais parler de mon interaction entre guillemets avec, avec Bluge. La première fois que j'ai vu ses dessins, c'était sur le site qui tenait déjà à l'époque. Je pense que c'est toujours le même. Et j'avais tout de suite trouvé son style très drôle, très rigolo et très pertinent à la fois. Et je me suis dit, oh putain, lui c'est un bon, allez hop, viens ici toi, viens, tout de suite, viens rejoindre l'équipe. Et ça s'est fait comme ça. Ça a été l'un des premiers à qui j'ai envoyé mes idées, avant Sani, avant Alex aujourd'hui, avant Rameau et avant d'autres. Et souvent, maintenant il a moins le temps, mais avant il avait plus le temps et effectivement il y avait une collaboration plus importante. Mais il y a notamment ce dessin qu'on avait fait où quand on avait appris qu'un extrémiste israélien avait poignardé plusieurs homosexuels à Tel Aviv lors de la Gay Pride. Bon ben. Obligé, tu voyais le dessin du rabbin qui poignardait l'homosexuel en disant antisémite, tu vois, et l'homosexuel qui se défendait en disant homophobe. Bon, ça c'était obligé, ben, ça il l'avait fait, tu vois, parce que l'idée de base était pas mal, tu vois. Mais après, bon, ben, c'est vrai qu'il a, sachant qu'il a, je trouve qu'il a été beaucoup plus productif à partir du Bataclan. Il avait un petit peu levé le pied entre guillemets avant. Et il faut dire que depuis le 13 novembre 2015 et ce qui s'est passé, ça l'a, je trouve que ça l'a beaucoup relancé, inspiré dans le bon sens du terme. Notamment un dessin qu'il avait fait où on voyait la carte de Paris avec les 5 points rouges, là où ça avait pété, entre guillemets. Et il y avait un journaliste qui se grattait la tête en... Je la refais. Et il y avait un journaliste qui se grattait la tête en disant « Ça va être dur de leur faire gober l'histoire du tueur isolé, mais on va peut-être essayer. » Ça, je l'avais trouvé extraordinaire. Et depuis, il nous gratifie à chaque fois d'une inspiration sans limite, je dirais, toujours aussi drôle et pertinente, comme ce que j'avais trouvé la première fois que j'avais vu son site. Alors, Blue, je vous confirmais, hein, vous avez une accélération de votre productivité. C'est un terme qui est assez laid, mais... Est-ce que d'ailleurs, ça représente quoi comme masse de travail de dessiner sur les dessins d'actualité ? Concrètement, c'est combien de dessins par semaine ? Est-ce que c'est variable et suivant quels critères ? Alors, j'arrive à sortir 2 dessins finalisés par semaine depuis à peu près 2 ans. Ça, c'est vraiment les dessins finalisés. Derrière, il y a tout un travail en amont de recherche. Et justement, c'est ça qui prend le plus de temps. Le fait de faire une revue de presse, donc de lire énormément, puisque c'est ça qui va nourrir, qui va inspirer l'idée du dessin. Après, il y a tous les croquis préparatoires. Disons que pour 2 dessins sortis par semaine, il y a une dizaine de croquis si j'avais le temps que je pourrais finaliser. Mais il se trouve que je travaille par ailleurs. Donc, les dessins, c'est en plus de l'activité salariée que je peux avoir. D'accord. Et les croquis, vous les faites n'importe où ? Vous avez un lieu spécifique chez vous ? Ou est-ce que dans le métro, vous pouvez croquer quelque chose qui vous vient à l'esprit ? Comment ça fonctionne concrètement ? Ah, pour ce qui est du dessin, oui, les croquis, ça peut être fait n'importe où, n'importe quelle condition. Et je pense que n'importe quel artiste vous le dira. Vous pouvez vous lever à 2h du matin parce que vous avez une idée. Vous prenez une nappe et vous dessinez pour fixer l'idée. Après, vous reprenez ça. Après, pour ce qui est du processus de travail, c'est chacun à sa méthode. Moi, je sais que j'ai une méthode assez traditionnelle à la base, c'est-à-dire que je dessine vraiment au crayon sur papier, et ensuite je scanne et je fais tout ce qu'on appelle post-production, parce que aujourd'hui la technologie le permet et que c'est beaucoup plus pratique quand on voulait mettre en couleur un dessin ou des choses comme ça. Par ordinateur, concrètement ? Par ordinateur, tout à fait. Je sais qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui dessinent directement sur la palette graphique parce qu'ils sont nés comme ça et que c'est leur façon de travailler. Moi, j'ai une façon qui est beaucoup plus traditionnelle à la base, mais qui est aussi du coup beaucoup plus laborieuse. Donc les dessins, ça peut prendre énormément de temps, pour peu qu'il y ait plusieurs personnages, des décors, parce que quand vous dessinez une caricature, il faut bien avoir de la documentation sur la personne que vous allez dessiner, mais quand vous dessinez également que ce soit des objets particuliers, précis, ou des paysages, on travaille sur documentation. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a Internet. Et c'est ce que je manque tout à l'heure quand je parlais des gens comme Hergé ou Franquin. C'est des gens qui accumulaient des tonnes de documents papier, tous les magazines, toutes les revues qu'ils pouvaient trouver, parce qu'ils avaient besoin de ça pour dessiner et faire des BD réalistes. Aujourd'hui, on a l'avantage, c'est que quand vous avez envie de dessiner Macron, vous tapez Google et vous avez des photos sous tous les angles de Macron ou de Brigitte. D'accord. Et pourquoi ne vous lancez-vous pas dans la BD ? En fait, déjà essentiellement pour une question de temps. C'est les journées, donc 24 heures, et pour arriver à sortir 2 à 3 dessins finalisés par semaine, c'est déjà très difficile. Faire de la BD, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais une BD proprement dite, ça demande, c'est un boulot à plein temps en fait, c'est énormément chronophage. Et d'ailleurs, tous les gens qui font de la BD en tant que professionnels, ils y passent 10 heures par jour, c'est énormément de travail. Donc on ne peut pas être salarié à proprement parler pour faire ça, c'est très difficile. D'accord, donc là c'est une question d'argent, concrètement vous ne vivez pas de vos dessins? Ah non, pas du tout. Ok, alors la question qui vient, c'est pourquoi, moi je vois sur internet qu'il y a un système qui fonctionne bien, c'est celui du financement participatif. Et en l'occurrence, il y a pas mal de dessinateurs aujourd'hui qui se font financer leur BD par Kickstarter. Tout à fait, c'est tout leur mérite. Et en fonction du succès des personnes, effectivement, ça peut assez marcher. Moi, j'avoue que sur un plan, je dirais purement commercial, je suis totalement nul. Et c'est à cause de ça que j'arrive pas effectivement à me vendre. Et c'est d'ailleurs la même chose quand je faisais de la musique, j'arrive pas à me vendre non plus. Donc bon, ben, je reste un petit peu avec un côté artisanal. Mais le côté artisanal donne aussi de la liberté. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'inspiration, vous ne vous sentez pas obligé de faire un dessin. Donc c'est dedans. Ouais. Ils sont maillots ? Ouais, mais sachant que c'est la qualité qui prime sur la quantité. Donc, le simple fait que tu arrives déjà à avoir... je veux dire, vaut mieux avoir 2-3 dessins super plutôt qu'une dizaine de trucs sans queue ni tête, qui n'ait aucun sens. Moi, vu les contraintes imposées par ton quotidien, par ton environnement professionnel, c'est déjà super de produire déjà 2-3 dessins par semaine qui sont super pertinents et qui vont rester valables très longtemps. Bon, bah, c'est surtout une motivation. C'est-à-dire que quand, justement, on ne vit pas de son art, là, l'occurrence, on fait ça vraiment parce qu'on est motivé, avec même un côté, je pourrais même dire, militant. Mais il ne faut pas se leurrer. N'importe quel artiste, vous lui dites, tu vas pouvoir vivre de ton art et travailler sur ton art 10 heures par jour. Il n'y en a aucun qui va refuser. Hein. Alors Bluge, j'ai sous les yeux votre recueil de dessins d'actualité 2006-2016. Alors je lis, avec étonnement, Bluge hors série numéro 1. Pourquoi numéro 1? Eh bien, sa vocation à se poursuivre. Comme je le disais tout à l'heure, l'Almanach, c'est un ouvrage collectif. Et l'idée, après, ça doit être de mettre en avant les différents dessinateurs qui participent à la planche de la semaine. Donc j'ai eu la grande chance et le grand honneur d'ouvrir le bal sur un thème spécifique, hein, donc le dessin de presse, et c'est appelé à être poursuivi. Donc je ne vais pas dévoiler les autres dessinateurs qui sont dans la liste, mais on a quand même beaucoup de gens talentueux sur la planche de la semaine. Le choix va se faire difficilement, mais il va se faire. Alors, je vois le sommaire de votre recueil de dessins, je lis les titres. Premier chapitre, le vivre ensemble. Deuxième chapitre, les années bling bling. Troisième chapitre, les années flamby. Quatrième chapitre, les années Charlie. Alors en fait, les trois derniers items, c'est ce qu'on appelle le devoir de mémoire, pour ne pas oublier ce qui s'est passé durant ces différents quinquennats. La première partie est plus généraliste, ça va parler de thèmes de société, un petit peu intemporel, et les trois autres vont être plus spécifiques, donc bon, les années Sarkozy, les années François Hollande, là il y a beaucoup de choses à dire, et les années Charlie, bah, c'est une thématique qui s'est quand même imposée, on l'a vu ces dernières années, donc c'est toute la thématique du terrorisme, et savoir justement comment réagir en tant que dessinateur de presse sur des actualités qui sont particulièrement dramatiques. Alors Bluge, vous parliez du terrorisme, effectivement là je suis sur la page 74 de votre recueil de dessins et je vois la France, couleur sang, hein, sanguinolente, avec Manuel Valls manifestement, hein, c'est bien lui, je le reconnais. Absolument. Avec des œillères et qui dit « Le danger c'est le Front National ». Avec comme titre de votre dessin « Gouverner c'est prévoir », 3 points de suspension. Expliquez-nous ce dessin. C'est un dessin alors, qui fait partie de la série que j'avais réalisée suite aux attentats du 13 novembre, du Bataclan. Comme disait Maillot, ça m'a énormément inspiré. Et là, cet événement, en fait, a permis de mettre en lumière énormément de choses. Où là, on avait par exemple un Premier ministre qui avait passé son temps à faire la guerre à Dieudonné, qui s'est toujours positionné en priorité, en majorité contre le Front National ou ce qu'ils appellent les extrémistes de droite ou je ne sais quel conspirationnisme, etc. Et on a bien vu où est leur action, y compris d'ailleurs quand ils ont dissous des groupes d'extrême droite, enfin des groupuscules d'extrême droite dont personne n'avait jamais entendu parler. Ça, c'était leur action sécuritaire majoritaire. Et à côté de ça, ils ont laissé passer tous les terroristes qu'on pouvait péter dans la plus parfaite impunité. Donc ça m'a permis de réagir et de pointer justement par ce dessin l'irresponsabilité des gens qui sont censés assurer notre sécurité. Alors on a cet autre dessin, Blue, je me permets de le citer parce que quand même c'est un événement très douloureux pour les Français, voyez-vous. Et vous avez osé un dessin sur cet événement. On voit le camion, le fameux camion de Nice, de la promenade des Anglais. Et le conducteur du camion crie Pokémon, go, go, go. Et donc, en lieu et place des victimes de cet attentat, on a effectivement des Pokémon qui courent et qui sont renversés par ce camion. Vous avez osé, Bluge? Oui, alors ça fait partie des dessins d'humour noir, d'humour très noir, qui provoque, j'en parlais tout à l'heure, souvent la polémique, parce qu'on a beau dire, l'humour noir grinçant, ça fait toujours réagir. Alors, j'avoue, quand j'ai fait ce dessin, j'ai ri. C'est mon préféré à titre personnel. Hein. Et ben, c'est bien le problème, c'est que ça fait rire d'autres personnes. Et les personnes que ça fait pas rire, en général, ils réagissent très négativement. Et d'ailleurs, ce dessin avait suscité pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux. Et ben, ça montre justement les limites de la liberté d'expression. C'est-à-dire que tout le monde dit « oui, pas de limite à la liberté d'expression » et on arrive souvent à les atteindre. Donc là, j'avoue, je plaide coupable, c'était un dessin d'humour noir, mais en même temps qui avait un sens, puisque la juxtaposition des actualités, je ne l'ai pas choisie et c'est imposé à nous. C'est-à-dire qu'au même moment où il y avait des générations entières qui étaient complètement omnibilées par le jeu Pokémon Go et de manière générale, qui ont le nez rivé sur leur tablette, on a des événements en France qui se passent, qui sont d'une gravité considérable, et on a à la fois le drame d'un côté et en même temps la frivolité. Et à un moment, on se dit ça peut pas continuer à fonctionner comme ça. Donc ce genre de dessin, c'est fait aussi pour faire réagir dans ce sens-là. Alors un autre dessin, je ne sais pas à quelle époque il a été dessiné, d'ailleurs c'est peut-être quelque chose qui manque dans votre recueil de dessins, c'est la date de... La date du dessin. Alors normalement, les dessins sont légendés la plupart du temps avec une petite une date qui fait référence en fait à l'actualité. Après, pour certains dessins qui sont entre guillemets intemporels, la date ne figure pas toujours. D'accord, alors là je suis face à un dessin où on voit Fillon, hein, que vous donc nommez Fillon, F-I-O-N en titre, et qui se regarde dans une glace et qui voit un fion. Expliquez-moi justement cette... Alors ça, c'est typiquement un destin bête et méchant qui a voulu être bête et méchant. Quelle est la portée politique de ce dessin, Bluge? Aucune portée politique, c'était juste pour se marrer. Pour déconner. Par contre, l'idée, c'était de faire figurer dans le recueil les deux prétendants principaux à la succession de François Hollande. L'un était Fillon et l'autre était Macron. Par contre, à l'époque où le dessin était fait, on ne savait pas du tout que Fillon allait être torpillé de la façon dont il a été torpillé. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Finalement, il est un peu prémonitoire, ce dessin. Ah bah, il l'a eu dans le fion. Il l'a eu dans le fion, vu le sort qui lui a été réservé pour les présidentielles. Alors, Blue, j'ai un autre dessin que je me permets de commenter avec vous. On a un homme habillé en noir, avec un chapeau noir, une petite mallette sur laquelle il y a écrit SOS Licrif. Il y a des billets qui sortent de cette mallette. Et ce personnage dit, dans trois bulles, xénophobie, incitation à la haine, attitude d'exclusion. Alors, je voudrais juste faire réagir notre camarade Mister Maillot sur ce dessin, puisque c'est lui qui me l'a montré tout à l'heure. Alors oui, parce que ce dessin a une histoire, il part d'un fait divers absolument terrifiant. Je pense que vous vous en rappelez, c'était le viol et l'assassinat de la petite Chloé dans le nord de la France par un Polonais en situation régulière. Et la mère de la petite Chloé, qui s'appelle Isabelle, avait déclaré dans Le Parisien, deux points, ouvrez les guillemets, donc... Alors, elle parlait de ce Polonais donc, qui avait toutes les casseroles. Donc, il l'a violé, il l'a tué. Et le mec était en situation irrégulière. Il avait déjà été chassé. Puis, il était revenu plusieurs fois. Enfin, on commence à avoir l'habitude. Et donc, la mère de cette pauvre gamine avait dit dans Le Parisien, deux points, ouvrez les guillemets, « Je ne comprends pas pourquoi il était en France. » Et lui, ce con, il nous fait ce dessin avec... un mec, une espèce de mafieux qui vient pour récolter de l'argent et qui dit « xénophobie ». incitation à la haine, attitude d'exclusion, tu vois, genre, je comprends pas pourquoi il était en France, mais pourquoi tout le monde a sa place en France? Qu'est-ce que c'est que ce discours raciste, tu vois? Alors que la gamine, elle a été... Le mec, il lui a fait ce que je vous ai dit, quoi. Donc, j'étais là devant ce... C'était pas ce Polanski, fait... le Polonais? Non, c'était un autre. C'était un Zbigniew, pas celui qui est mort récemment, mais il s'appelait Zbigniew aussi, tu vois, donc voilà. Et... J'étais là comme un con devant ce fait divers horrible à être mort de rire à cause de lui et qui nous avait fait cette espèce de petit dessin avec, tu sais, les yeux c'était juste deux ronds, la bouche c'est un trait, bah, le truc basique et bien, avec les trois mots qui tuent, quoi. Donc, avec la mallette, un petit peu comme ce que Conk faisait, tu sais, des fois il faisait des dessins où il y avait marqué Fisc dessus ou Union Européenne, ce genre de truc. Lui, il avait marqué donc Bluche sur la valise de ce mec qui vient... ramasser les sous de la haine, tu vois, il avait marqué SOS Licrif, donc vous avez reconnu, c'était le mélange de la Licra et du Crif, quoi. Et d'SOS Racisme. Alors, je suis face à un dessin où on voit un homme avec une casquette, manifestement assez obèse, et qui est en train de manger un hamburger, hein. Il a une canette de coca, un iPhone, il porte des tongs, il est en short, et donc le titre de ce dessin, c'est Le vivre ensemble ou l'obligation de supporter les autres, tous les autres. Alors oui, quand on fait du dessin de presse, on ne s'attaque pas uniquement aux personnalités connues. L'idée, c'est aussi de croquer la société dans laquelle on vit. Et quand je dessine un personnage comme ça, c'est simplement parce que je le vois dans la rue et que c'est agréable à dessiner parce que c'est drôle en soi, c'est déjà caricatural. Et ça montre aussi un petit peu, on souligne un petit peu les travers de notre temps. Et juste pour rebondir sur ce que disait Mayo, un petit clin d'œil, c'est que l'influence effectivement d'un caricaturiste comme Conk, que je leur revendique totalement, même si c'est quelqu'un que j'ai découvert très tardivement. C'est un des plus grands caricaturistes qu'on ait eu en France, qui a eu un parcours assez impressionnant, en passant du Monde jusqu'à Minute et National Hebdo, je crois. Et ses dessins, certains d'ailleurs, sont toujours d'actualité. Et je m'en revendique totalement. Tout comme je me revendique de l'influence qu'a pu avoir quelqu'un comme Cabu, qui autant je le combattais sur la fin politiquement, mais en tant que dessinateur, c'était quand même un des grands maîtres de la caricature. Avec des traits comme ça, très simples, dans le cas de Conk comme dans le cas de Cabu. C'est ça, c'est l'efficacité maximum. C'est pour moi un talent énorme. Et moi qui suis très très laborieux, qui suis tout l'inverse, j'essaie de m'inspirer de ce que faisaient ces gens-là pour arriver justement à avoir quelque chose d'efficace. D'accord, alors justement Bluge, parlons un peu de l'actualité du dessin de caricature. Où en est ce milieu? Est-ce qu'il y a des personnalités qui, malgré tout, arrivent à produire encore du dessin caricatural drôle dans la presse, y compris mainstream, ou pas? Alors, ou est-ce qu'on vraiment, on trouve les talents sont vraiment hors du système, tous? Alors aujourd'hui, il faut bien voir que Internet apporte une grosse fraîcheur. Du côté des dessinateurs de presse, je dirais institutionnels, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à en tirer. Il n'y a qu'à voir les dernières couvertures de Charlie Hebdo où ils ont dessiné Macron. Il fallait vraiment savoir que c'était Macron. C'est impossible à reconnaître. Le niveau est très, très, très mauvais. Le Canard Enchaîné, j'avoue, ça fait un moment que je ne l'ai plus lu, mais les derniers dessinateurs n'étaient pas terribles. Par contre, sur Internet, on arrive à trouver des gars qui font vraiment des choses intéressantes. Et par contre, au niveau du sens, c'est-à-dire que le dessin d'actualité, il y a le dessin et il y a les idées que vous pouvez avoir derrière. Là, par contre, il ne faut pas se leurrer, c'est plus dans la dissidence que vous allez trouver des choses un petit peu marrantes. Il y a malgré tout un dessin qui m'a paru drôle, hein. C'est un dessin de Charlie Hebdo, dernièrement, une, où on voyait Macron avec Brigitte Macron qui était enceinte et le titre du dessin, c'était « Il va faire des miracles ». Vous l'avez vu ce dessin? Oui, bien sûr, je l'ai vu. Bah, justement, moi, je trouve que la caricature est pas ressemblante, en tout cas pour Macron. Au niveau du dessin? Oui, au niveau du dessin. D'accord. Après, au niveau du sens, c'est sympa, c'est une petite crotte de nez. Alors, cela dit, c'est vrai que Charlie Hebdo arrive à faire parfois encore polémique régulièrement, alors que ce soit sur des dessins un petit peu justement d'humour noir, comme on disait tout à l'heure, ou en s'attaquant à un sujet qui maintenant visiblement est très tabou, c'est l'âge de la première dame de France, enfin la différence d'âge entre elle et Monsieur Macron. 23 ans, on le rappelle. Et encore, ça, les gens savent pas trop non plus ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, je les invite à se renseigner sur de la façon dont s'est nouée cette idylle, savoir à quel âge exactement ils sont connus. Macron avait 15 ans. Voilà. Donc, il était dans la même classe que la fille de Brigitte. Bon. Je dis ça, je dis rien. Et faut savoir aussi que le mari, puisqu'il y a un mari cocu dans l'histoire, lui a eu sa vie complètement bousillée. Alors ça, c'est quelque chose qui est passé complètement par pertes et profits. Mais quand vous voyez tous les journaux qui nous vendent une magnifique idylle, une superbe histoire, qui est d'ailleurs superbe que pour eux, il faut voir aussi derrière qu'il y a eu du dégât. Mais ça, évidemment, personne ne va en parler. Donc j'invite les internautes à aller se renseigner sur le sujet. Ah voilà, moi j'ai un dessin exceptionnel. Alors là, vous dessinez Angela Merkel devant un poste frontière qui ressemble étrangement à l'entrée du camp d'Auschwitz, où il y a marqué « Refugees welcome ». Et là, vous surtitrez « L'Allemagne loge des clandestins à Dachau » et Angela Merkel qui dit « Rassurez-vous, on a fermé les douches oh, ». Bah expliquez-nous. Beaucoup de choses dans ce dessin. Ça fait partie des petits dessins bêtes et méchants. Un petit peu d'humour noir en même temps. Un petit point Godwin en passant. Ça fait... Mais au-delà de ça, c'est une composition. Mais au-delà de ça, c'est un dessin qui réagissait sur une réelle actualité. C'est-à-dire que l'Allemagne, donc, qui a reçu, je crois, 1 million de clandestins en une année, pour faire face aux pénuries de logements, aurait logé des clandestins dans une enceinte de Dachau. Ce qui a fait évidemment réagir, parce que la symbolique est très forte. Et cette actualité, c'est pour ça que j'avais voulu faire un dessin dessus, c'est que ça permet de montrer l'absurdité du monde dans lequel on vit, où par certains côtés, on sacralise une certaine mémoire. D'ailleurs, pourquoi pas ? On sait que c'est des lieux de souffrance, donc il ne viendrait pas à l'idée forcément d'ironiser là-dessus. Mais notre système est dans une telle contradiction que... c'est eux-mêmes qui vont en fait profaner leur propre lieu de mémoire. Ils n'arrivent pas à se sortir de ces contradictions. Donc c'est à moi, en tant que dessinateur, d'appuyer le trait en leur disant bah voilà, qu'est-ce que vous faites ? Et alors moi j'ai une question pour Bluge. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire prendre conscience aux gens de la réalité politique à travers le dessin ? En tout cas, c'est l'ambition qu'on a. Au-delà de l'ambition de faire rire et de se détendre, effectivement, c'est toujours l'ambition de faire réfléchir les gens et de les amener à une certaine réflexion. Alors, c'est très ambitieux, mais c'est un peu le but de l'art en général, c'est d'essayer de toucher les gens autrement que par des discours, des choses convenues. Donc, quand on y arrive, tant mieux. Et c'est aussi pour ça qu'on continue, c'est qu'on apporte un point de vue justement un petit peu différent. Le but, c'est de faire réagir au final. On sait par exemple que, pas uniquement le dessin, mais des campagnes de dérision ont quand même changé l'opinion publique sur certains personnages. On se souvient par exemple que Chirac avait été rendu très sympathique par les Guignols. Donc même si les gens savaient que c'était un super menteur et un super voleur, ils avaient une idée de lui qui était quand même une certaine bonhomie. Et ça, on sait que les Guignols de l'info avaient eu une énorme influence là-dessus. De même, dans les années 70, Giscard s'en était plaint. Il disait qu'il avait été victime des forces de la dérision. Et en soi, c'était pas faux. Et ces mêmes forces de la dérision qu'ont souvent, d'ailleurs, épargné la gauche, comme par hasard. Oui, c'est ça qui est complètement nouveau avec les supports Internet. C'est-à-dire qu'avant, un caricaturiste était obligé d'être de gauche, un humoriste était forcément de gauche. On voit qu'aujourd'hui, tous ces impératifs ont complètement explosé. Ah bah ça, c'est grâce à la magie d'Internet. Ça, on le dira jamais assez. Donc, on s'est un petit peu engouffré dans la brèche. Et justement, ça permet à des gens qui n'auraient pas eu d'existence réelle, qui n'auraient pas eu accès aux médias, justement, à donner un son de cloche différent. Et on voit d'ailleurs le parcours. Tout à l'heure, je parlais de Conque. Bah, il a commencé au Monde. Et quand il s'est radicalisé à droite, il était viré. Il a dû se rabattre sur la presse nationaliste. Surtout qu'il ne s'est pas radicalisé à droite, c'est plus qu'il est resté de gauche et il a appliqué pour tous les thèmes le traitement qu'il appliquait jusque-là. Et donc forcément, on se retrouve classé à l'extrême droite alors qu'on ne on sent pas sa ligne politique évoluer réellement. Est-ce que c'est ton cas, par exemple ? Ah, bien sûr. De toute façon, les lignes politiques droite-gauche, bon, déjà pour moi, ne veulent plus rien dire. Et on l'a bien vu aujourd'hui, les médiations sont encore sont de plus en plus courtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur une ligne sociétale d'extrême-gauche, de toute façon, vous êtes à droite. Être à droite, c'est extrême-droite. Et extrême-droite, c'est vouloir exterminer la Terre entière. Donc aujourd'hui, tous ces mots-là n'ont plus de sens. Et je préfère effectivement parler plus de valeurs, savoir à quelles valeurs on s'attache. La valeur travail qui n'est ni de droite ni de gauche est une valeur fondamentale qui aujourd'hui est complètement escamotée. Moi, je préfère m'en tenir à ça. Et c'est vrai que c'est paradoxal quand on voit des émissions de télé, par exemple, qui diffusent des dessins de presse le samedi soir, par exemple, et qu'on voit des dessins de presse défiler, bon, qu'on a vu vaguement dans Charlie Hebdo, dans Luma ou dans Le Canard Enchaîné, alors que toute la semaine, on a tous été sur nos fils Facebook, Twitter et ainsi de suite, et on a vu des tas d'autres dessins défiler. On a vraiment l'impression d'un média qui est complètement ringardisé. Oh ben, au niveau de la télé, ça c'est clair, ça n'a plus de sens, c'est un petit bocal. Mais attention, l'élection de Macron montre que même si ce média est ringardisé, il a encore une énorme influence. Parce que l'élection de Macron, c'est quand même la télévision et la presse subventionnée. Mister Maillot ? Ouais, l'élection de Macron, en fait, c'est... Faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est que la France, avant d'être un pays qui, j'ai envie de dire, se sionise en haut et s'arabo-africanise en bas, c'est un pays qui vieillit. Et les enfants de l'après-guerre sont devenus des retraités. On est passé du baby-boom au papy-boom. Donc, ces gens-là ont été élevés par des gens, nos grands-parents, qui ont connu la guerre, et qui sont donc, par nature, hostiles au nazisme et au fascisme, puisqu'ils l'ont vécu. Tu vois, c'est des gens qui ont maigri pendant la guerre, etc. La révolution dont on parle pour les enfants de l'après-guerre, c'est mai 68, mais c'est aussi l'apparition de la télévision. C'est des gens, ils avaient 10-15 ans quand la télévision est apparue. Donc pour eux, c'est un repère existentiel. C'est l'équivalent. Nous, notre choc, notre révolution, entre guillemets, culturelle, c'est Internet. Bon, bah, eux, c'était la télé. Et donc forcément, vous additionnez les deux vecteurs. Si la télé dit « un tel est nazi », un tel est fasciste, bon bah hop, il gobe. Donc c'est aussi simple que ça. Et comme il s'agit de l'électorat qui vote le plus, en masse, hein, avec bien sûr cette mythologie derrière, ah on s'est battu pour le droit de vote, etc. Et bah, le résultat, on l'a vu le 7 mai dernier, quoi. Macron président. Tout est logique. Donc on précisera à nos auditeurs que vous êtes imitateur, enfin que vous savez faire plusieurs voix. Et donc, Mister Maillot, est-ce que vous avez des voix? Là, par exemple, Macron, est-ce que vous savez faire Macron? Je me suis intéressé un petit peu à Jean Lassalle récemment, parce qu'il nous a gratifié de quelques sorties, hein, notamment quand il était dans son village et qu'il disait « J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, de toute façon les autres, ils vont tous vous baiser !» Donc, il était là devant, à parader devant les autres et tout ça, puis... Quand on lui a demandé, il était à un salon de je ne sais quoi, la journaliste lui demande « C'est quoi votre cochon préféré ?» L'autre répond « Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. C'est mon épouse. » Elle avait adoré. Non, mais franchement, ce mec-là, il a un côté sympa parce que... Il va nous avec manquer. Avec ces petites sorties-là, bah, il a fait 1% et d'autres ont fait 0,9. Donc, des fois, tu te dis « Oui, à quoi ça sert de... » Les gens ont envie de voir des gens sympas, quoi, qui leur ressemblent ou qui sont proches d'eux, tout simplement. Mais il ne faut pas oublier que ce mec-là est loin d'être con. Il a quand même été le plus jeune maire de France de son village. À l'époque, il avait 21 ans. Donc, il ne faut quand même pas être un imbécile. Hein, donc, Et les gens de son village, probablement, arrivent à le comprendre. Oui, et puis ils ont tous voté pour lui, surtout. Donc, Puis, alors, monsieur Macron, c'est quoi votre projet? Mais je suis désolé, on se fout du projet. Ce qui compte, c'est de détruire la France! Vive la République! Vive l'anti-France! J'aime bien le... qui zozote. Ouais, ou alors, bah... ou alors je pourrais le faire dire « Bonsoir Paris, bonsoir Brigitte !» Tu sais faire Brigitte? Tu sais faire qui? Non, quand il dit au début... C'est vrai. J'ai jamais entendu parler Brigitte. Non, mais on s'en fout. Si, dans le excellent documentaire de TF1, d'ailleurs, qui est passé un jour après l'élection de Macron, on la voit en train de dire... Ah non, je t'ai déjà dit, hein, tu vas pas manger des cochonneries, hein. Parce qu'il veut manger un Mars, tu sais. D'ailleurs, non. À ce propos, vous faites un dessin absolument extraordinaire. Mais, attends, tu peux pas enchaîner comme ça. Mais là, on parlait, c'est très bien, c'est ce qu'on disait là. À ce propos, ouais, tu remets. À ce propos, vous faites un dessin assez extraordinaire. On voit Joe Star avec écrit « Nique ta mère », et puis on voit Emmanuel et Brigitte Macron, et puis là, Joe Star se reprend et dit « Oh, pardon !» Je trouvais ça excellent. Il m'est venu comme ça. Encore une fois, c'est les actualités qui se télescopent, la reformation d'NTM et puis l'élection de Macron et sa femme. En fait, tu mets les deux événements ensemble qui se télescopent entre guillemets et qui arrivent à ce résultat-là. Fallait y penser. Ah, quand on a l'esprit tordu. Alors, Mister Maillot, on sait également que vous êtes à la manœuvre concernant un autre projet cher à Contre-Culture qui est l'Almanach pour tous. Alors quand va sortir ce fameux Almanach pour tous 2017 que tout le monde attend? 2016, pardon. Fin juin, début juillet pour le premier. Et alors bon, en exclu, on va sortir celui de 2017, donc de l'année en cours, pour Noël. Donc on va accélérer le mouvement. D'accord, vous allez arriver à tenir les délais? Oui, je pense que cette fois on va y arriver, mais de toute façon il n'y a pas de danger, hein. De toute façon ça sortira tôt ou tard, mais bon, vu que là celui de 2016 est arrivé un petit peu en retard, on va se rattraper pour celui de 2017 qui sortira pour Noël. Donc vous aurez un joli cadeau à offrir pour Noël 2017. L'Almanach pour tous, donc qui sera le... Alors ce ne sera pas le quatrième, ce sera du coup... Alors, ce sera le cinquième, voilà. Donc 2017. Deux jolis cadeaux, le 2016 et le 2017 qui sortiront cette année. Ouais, exactement. Et alors cet Almanach pour tous 2016, le premier là qui va sortir, qu'est-ce qui nous réserve comme surprise? Une couverture assez parlante, j'en dirai pas plus, je laisse le suspense. Mais sinon, ce sera du classique, il y aura... Non, attends, je le refais. Mais sinon, oui, disons qu'il y aura, il y aura du classique et aussi des surprises. Peut-être quelques inédits, allez savoir, donc je n'en dis pas plus. J'imagine que Blouge, vos dessins apparaissent également dans l'Almanach pour tous, 2016. Ah, ils ont l'honneur d'y figurer, effectivement, et au milieu d'autres grosses pointures, hein, que ce soit Adolphe, Teddy, Joe, Sani. Et ce qui est vraiment bien dans l'édition papier de l'Almanach, c'est que vous avez à la fois des dessins qui, dans tous les sens, enfin, qui explorent plusieurs thématiques. Des dessins qui sont juste drôles au premier degré, des dessins qui sont plus politiques, et aussi parfois des dessins qui sont juste dans l'esthétique pure. Qui ont un sens, bien sûr, mais qui priment sur l'esthétique parce qu'on a des très, très bons dessinateurs. Alors, Bluche, votre recueil de dessins, hein, qu'on peut donc acheter sur contreculture.com, au prix de 19 euros. 19 euros pour... je vois que c'est un album assez volumineux puisqu'il fait plus de 60 pages. Hein. Non, 80 pages. 80 pages. 80 pages, oui. D'accord. Et donc, il se conclut par ce dessin qui est une télévision éteinte par quelqu'un qui tient une télécommande, et vous écrivez en sous-titre « Dans la réalité, en revanche, c'est très simple, un seul geste suffit. Oh, » Ça permettait de conclure l'album. En fait, c'est la dernière case d'une série, d'une petite série d'inédits donc, que j'ai réservée pour ceux qui achèteront l'album. Et ça résume assez bien ce que je pense, et d'ailleurs, on est beaucoup à penser ça, c'est que si les gens veulent commencer à se libérer, qu'ils commencent par éteindre la télé. D'accord. Et Bluche, par ailleurs, est-ce que vous avez des projets en cours autre que les dessins de la semaine et que l'Almanach pour tous 2016? Dans l'immédiat, non. L'idée, c'est de poursuivre justement ce travail parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'effectivement on est dans le dessin de presse et que l'essentiel, c'est de durer. C'est de ne pas laisser, je dirais, la place à la presse uniquement subventionnée. Donc nous, notre travail, ça va être de continuer ce qu'on fait et de le faire du mieux en mieux. Donc ça demande énormément de temps déjà, donc on continue. Ok, bien, on suivra ça avec intérêt sur Égalité et Réconciliation. Chaque semaine, les dessins de la semaine, des dessins qui nous sont sélectionnés par Zéon et également aidés en cela par Mister Maillot, disons-le. Et on suivra votre actualité sur contreculture.com, puisque donc maintenant votre recueil de dessins est disponible, et bientôt l'Almanach pour tous 2016 et en décembre 2017, on le rappelle à nos auditeurs. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Tout à fait. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Fireball FC. Leur album French Melancholy est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Echoes. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.